du plat pays au peuple des montagnes. Expérience d'un originaire du pays de la frite, des CCC, cellules communistes combattantes, du colonialisme au Congo et de Marguerite Berbouts, à la rencontre de ce qu'il représente, avec le mouvement zapatiste, la plus inspirante révolution du XXIe siècle. La lutte du peuple kurde et la construction collective au Rojava d'une alternative démocratique à la modernité capitaliste avec toutes les identités qui le composent, arabes, assyriens, yézidis, arméniens et autres. Une alternative qui, malgré la brutale répression, s'étend dans la région, comme on le voit en Iran, et qui en inspire de plus en plus sur les différents continents. Saison 1. Des tatouages et des cœurs grands comme ça. Dans une première série d'épisodes, je vous partage des entretiens avec des membres des Yépégé International, le groupe au sein des unités de défense du peuple qui accueille des personnes des quatre coins du monde, nourries de valeurs socialistes, libertaires et internationalistes. Je leur ai posé des questions variées, sortant du cadre journalistique classique, allant de souvenirs d'enfance à des rêves d'avenir. Épisode 1. Argala, péninsule ibérique multipeuple. Originaire de la capitale espagnole, âgé de 34 ans, il incarne cette connaissance et ce respect pour la diversité de peuples dans son pays, au Moyen-Orient et ailleurs. Son nom, Argala, est celui du surnom que portait un des principaux idéologues du mouvement indépendantiste basque, l'ETA, assassiné avec une voiture piégée au Pays basque français le 21 décembre 1978, moins d'un mois après la création officielle du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan. Du fait de ma famille, j'ai toujours été très intéressé par les mouvements indépendantistes périphériques de gauche de la péninsule ibérique et de l'État espagnol en particulier. En 2010, j'ai réalisé une thèse universitaire et j'ai auparavant effectué un long séjour en Palestine. Lorsqu'on m'a proposé dans le cadre du cours d'histoire de l'islam et du monde arabe contemporain, bon, c'est vrai que les Kurdes ne sont pas arabes, mais ils ont vécu dans une nation comme la nation arabe de Syrie ou en Irak et en Turquie, au sein des quatre juridictions habitées par des Arabes et autres. J'ai donc proposé à ma professeure, qui était palestinienne, de faire un travail sur la politique du Kurdistan. Ma première approche approfondie a eu lieu en cette année 2010, lorsque j'ai réalisé cette thèse dans laquelle mon professeur m'a demandé de faire une recherche sur les quatre juridictions kurdes du Bashur, Bakur, Rojela et Rojava. Un travail approfondi sur tous les partis politiques de tous les spectres. Il est vrai que je me suis concentré sur le PKK, mais aussi sur la situation au Bachour, dans la faction de Barzani et celle de Talabani. J'ai ainsi connu plus en profondeur ce qu'était la scène politique kurde, même avant la révolution de 2012. Puis plus tard, après mon retour en 2014-2015, j'ai pu avoir un minimum d'informations qui m'ont permis d'aller au Kurdistan comme je l'ai fait et d'obtenir plus de connaissances. Depuis que je suis très jeune, je pratique les arts martiaux. Et un rêve, qui n'a pas été un rêve endormi, mais répété de nombreuses fois et pendant de nombreuses années, même quotidiennement, a été de pouvoir avoir un bon titre en taekwondo. Plus qu'un titre ou une médaille, de donner un spectacle très enthousiasmant sur le tatami. En octobre, cela fera 28 ans que je pratique le taekwondo. La philosophie du taekwondo est une philosophie martiale qui n'est pas tellement compétitive. Eh bien, cela s'est réalisé. À atteindre la finale d'un championnat à Madrid avec un ami, avec un collègue, non seulement de formation et élève du même professeur, mais qui avait aussi été mon camarade de classe dans le passé. Indépendamment du résultat, nous avons donné un très beau spectacle. C'était très excitant, nous nous sommes donnés chacun à 100%. J'ai eu une tante qui m'a élevée. Elle s'est occupée de moi et l'affection mutuelle était plus grand-mère, petit-fils que tante-neveu. Elle avait une difformité dans le dos, une bosse. Je me souviens avoir marché avec elle en Catalogne et on se moquait d'elle. En extrapolant cela à d'autres aspects, cela a éveillé en moi le sentiment de vouloir être aux côtés des personnes les plus démunies. Un peu plus tard, après de nombreuses réflexions, je me suis rendu compte qu'il n'était pas du tout invalide, mais simplement avec quelques dysfonctionnements qui, en travaillant dessus, peuvent être convertis en fonctionnalités pour d'autres aspects de la vie. C'est l'un des premiers souvenirs que j'ai qui m'a fait exploser contre l'injustice. Une chanson qui diffère de mes goûts musicaux, c'est la chanson que mon grand-père et ma grand-mère écoutaient, de Jorge Sepúlveda, en regardant la mer. Yo sé que ha de tornar y sé que ha de volver a mí cuando yo esté mirando al mar. Une personne inspirante? Mon grand-père, et pas seulement politiquement, mais personnellement. Je peux dire sans être hypocrite que la capacité intellectuelle de mon grand-père était celle d'une personne hors du temps. Je crois que 14 ans après sa mort, s'il était vivant en ce moment, avec le développement intellectuel qu'il a connu tout au long de sa vie, jusqu'au dernier jour, je n'hésiterai pas à dire que, même en 2022, sa perception de l'espace et du temps, de la politique, de la vie, de la famille, est quelque chose qui est vraiment une perception super révolutionnaire. Cela venant d'une famille comme celle de mes grands-parents, avec lesquels j'ai également eu l'occasion, le plaisir de vivre jusqu'à l'âge de 15 ans, et qui étaient des réfugiés politiques, après avoir participé sur le front de l'Ebre, là-bas en Catalogne, au dernier jour de la guerre civile après le coup d'état fasciste. Il n'était pas très actif politiquement et pourtant, intellectuellement et en pratique, c'était une personne tellement constructive et reconstructive dans sa vie de tous les jours. L'une des plus belles choses dont je me souvienne, c'est qu'à sa naissance, ma mère était très malade. Il pensait qu'elle pouvait avoir une leucémie. Et même s'il savait qu'elle pouvait mourir en quelques jours, cela ne s'est finalement pas produit, mais pendant les 8 mois passés, il lui a appris à lire, il lui a appris à écrire. Cela m'a semblé être un incroyable acte d'amour. La relation entre Une personne qui, même dans un environnement social comme celui de Madrid, celui de l'Espagne, où les relations entre une belle-mère et un gendre ont toujours créé tant de frictions, je me souviens de ce que sa belle-mère disait de mon grand-père. Antonio n'est pas Dieu, il ne lui manque qu'une chose, c'est de croire en Dieu. Uno de los motivos por los que me considero feminista, y me fui un jovencito, con 21 o 22 años, y me hizo despertar. L'une des raisons pour lesquelles je me considère comme un féministe, et c'était quand j'étais jeune, 21, 22 ans, et qui m'a fait prendre conscience de ce sentiment de dégoût pour le patriarcat, c'est que dans le village où je passais mes vacances d'été, qui est le lieu de naissance de mon père, un groupe d'amis à moi, nous sommes liés par le sang, nous sommes une famille, et je me souviens que pour les fêtes finales, les filles du groupe allaient dans une maison et elles se faisaient super belles. Elles se mettaient sur leur 31, elles achetaient des robes. Presque toutes, ne pas dire 100%, étaient en couple avec des garçons, des filles du village ou des villes d'où elles venaient. Nous les attendions, nous avions convenu de les rencontrer à 11h. Il était presque minuit et elles étaient encore en train de s'habiller. Un de mes cousins a fait un commentaire qui m'a vraiment choqué. Je ne sais pas pourquoi elles s'habillent et se préparent tellement si elles ne font pas les putes après. Cela m'a fait réfléchir. Parce qu'elles veulent être belles elles-mêmes, elles n'ont pas besoin d'avoir un partenaire, ou, si elles n'en ont pas, de chercher une relation avec quelqu'un d'autre à la fête. Cela m'a mis tellement en colère, tellement dégoûté, un mélange de colère et de dégoût. Cela m'a vraiment éloigné de la personne qui l'a dit. En 2015, pude entrar a Rojava por primera vez. En 2015, j'ai pu entrer au Rojava pour la première fois. Et si je me souviens bien, c'était 15 à 20 jours après que les YPJ, YPG aient expulsé l'État islamique de Kobané. J'ai pu me rendre à Kobané, je me souviens que c'était l'hiver, entre 6 et 7 heures du matin, dans la destruction causée par la bataille. Il y avait un garçon qui était sur un vélo, une rue absolument vide, et il m'a regardé et a dit « Kobané, affiche Kobané, il n'y a plus de Kobané ». Cette ville est presque entièrement détruite, presque entièrement désertée. Kobané a été littéralement aplati par plus de 4 mois de combats acharnés, le prix de la reconquête. Sur ces images des combattants de l'État islamique, ils ont été repoussés par des troupes kurdes syriennes et peshmerga irakiennes déterminées. Depuis la mi-septembre, les affrontements ont fait au moins 1600 morts, dont plus de 1000 dans les rangs djihadistes. Il faut dire que les forces kurdes au départ sous-équipées ont réussi à reprendre l'avantage grâce au bombardement continu de la coalition dirigée par les États-Unis. 80% des frappes aériennes en Syrie ont été concentrées sur et aux alentours de Kobané. Cette nuit encore, 17 frappes ont été menées contre des positions de l'État islamique, dont certains hommes ont été vus en train de fuir sans opposer de résistance. Chassé de Kobané, Daesh vient donc d'enregistrer un échec cuisant qui porte un coup d'arrêt à son expansion territoriale en Syrie, revers stratégique tout autant que symbolique. Libres, autonomicatives et autogovernatives. Ça, pour moi, c'est l'anarchisme. Une société verte, libre, auto-organisée, autogérée. C'est ça, pour moi, l'anarchisme. C'est la plus haute expression de l'ordre. Je pense que c'est une phrase bien connue au sein du mouvement révolutionnaire, pour ceux d'entre nous qui se considèrent comme anarchistes et pour ceux qui ne le sont pas. Je n'ai aucun doute qu'à l'heure actuelle, depuis cette structure militaire, les YPG, où je travaille, nous en faisons une réalité au quotidien, avec notre engagement, notre travail, le développement de notre âge. Le premier auteur anarchiste que j'ai lu était Enrico Malatesta. Ma la testa si presenta, rappresenta Rosa Sound. Piglia verso la tipa nasce come volo, sa voce mi chiama Enrica, le linee, ma la testa lueng, vito non picca quando non lo cateng. Ma un messaggio ed è uno, semplice e stringato. Sine, l'attacco a capitale non può passare per il mercato. Enrica, le linee, ma la testa lueng, famiglia Rosa Sound. Pacienza non la tengo pupara, quello che faccio la musica è mercificazione. La voz a lo mucho interés también como me crié a la mi ambiente familiar, el ámbito ecologista. J'ai toujours été très intéressé par le mouvement écologiste, en raison notamment de mon enfance dans ma famille et par les mouvements indépendantistes de gauche à l'intérieur de la péninsule, mais aussi à l'extérieur. Cette valeur que l'on peut donner à l'indépendance, bien au-delà de la création de républiques indépendantes d'un État oppresseur. Entonces, el estar aquí y el haber leído durante todos estos meses, incluso ya años. Être ici, avoir lu pendant tous ces mois, voire ces années, les derniers volumes de Reberapo d'Ocalan, basés sur le développement de la politique menée par le HDP, le Parti Populaire du Bakou, non seulement pour la population kurde, mais aussi pour le développement de la rupture avec l'État-nation, je me dis, waouh, ça se conjugue parfaitement. Parce que si vous étendez une structure pour obtenir l'indépendance au niveau national et au niveau de l'obtention de droits pour les travailleurs d'un peuple et pour tous les citoyens, alors je dis qu'il n'est pas nécessaire de se focaliser au sein d'un processus d'indépendance. Si tu ouvres des fronts à l'État et que tu t'y attelles, l'État prendra fin. Si ton peuple veut construire ses propres structures, cela sera consolidé que l'État existe ou non. Si tu ouvres des fronts à l'État, l'État cessera d'exister. Ou, s'il existe, il n'aura pas le même impact sur ta vie quotidienne. Est-ce que j'ai besoin d'être communiste pour lire Karl Marx ? Rupert ! La réponse est sensée. Eh bien, si vous n'êtes pas communiste, qu'est-ce que vous êtes ? Je ne suis rien. Rien ? Je déteste toutes les formes de gouvernement. Mais il faut bien quelqu'un pour gouverner. Et je déteste le mot « gouverner ». Eh bien, si le mot vous est tellement odieux, disons qu'il faut des chefs. Tous les chefs de gouvernement représentent le pouvoir. Et en politique, le pouvoir est forcément une forme de la lutte contre le peuple. Mais mon cher enfant, la politique est une nécessité. La politique est une règle que l'on impose au peuple. Oh, enfin, dans ce pays, nulle règle n'est imposée. Chacun exprime le vœu de citoyen libre. Promenez-vous un peu et vous verrez comme ils sont libres. Oui, mais laissez-moi parler. Et si on met tout le monde dans une camisole de force? Et si on n'a pas de passeport, on ne peut pas faire un pas? Mais enfin, laissez-moi parler. Dans ce monde libre, on viole les droits naturels de tous les citoyens. Voyons, laissez-moi parler. Ils sont devenus des hommes aux mains de politiciens despotiques. Oui, mais pour eux. Et si on ne pense pas comme eux, on vous prive de votre passeport. Voulez-vous quitter le pays est plus dur que de s'évader de prison? Oui. Changer de pays est plus dur que de passer par le trou d'une aiguille. Mais si suis-je libre de voyager? Oui, vous êtes libre de voyager. À condition d'avoir un passeport. Voulez-vous me laisser parler? À condition d'avoir un passeport. Mais... Lloro mucho. Y no lloro por pena. Siempre lloro por la emoción positiva de un buen recuerdo. Je pleure beaucoup et je ne pleure pas de chagrin. Je pleure toujours par émotion positive, par un bon souvenir. Ces derniers temps, la dernière personne décédée dans ma famille a été ma tante. J'ai vraiment un souvenir merveilleux. Non, j'ai beaucoup de souvenirs d'elle, même jusqu'au dernier moment. J'ai des moments incroyables. Non, je suis arménique, mais aussi c'est vrai que, ante impactos négatifs, je ne suis pas hermétique, mais il est vrai aussi que face aux impacts négatifs, je n'ai jamais développé de cris, ni de chagrin, ni de colère. Il est vrai que face à certains chocs, je me suis montré un peu plus hermétique, mais quand j'ai eu un souvenir positif, j'ai pleuré. Soy una persona muy simple de placeres. O sea, para mí un buen libro. Je suis une personne au plaisir simple. Pour moi, un bon livre, aller courir 40-50 minutes, me souvenir d'une bonne chanson, l'écrire quand j'ai 5-10 minutes de libre, la passer en boucle. Ponerme en boucle. Cuando salimos por la mañana a hacer deporte y podemos correr y demás, pues comenzar el día soltando adrenalina, corriendo, es algo que... Ce n'est pas seulement ici, mais tout au long de ma vie. Ça a été une façon de m'évader. Ça a même été une façon de me retrouver, de réfléchir. Ça a été un moment où, si j'étais fatigué, j'éliminais toute mon énergie pour pouvoir mieux me reposer, ou si j'avais une surexcitation pour pouvoir me calmer. Un livre, n'importe lequel des livres d'Eduardo Mendoza, sans nouvelles de Gurb. Et une chanson, le groupe Scapé me vient à l'esprit. Et c'est précisément l'année où j'ai commencé le taekwondo que mes parents m'ont offert une cassette avec la démo enregistrée. Une cassette con la maqueta grabada. Entonces, bueno, sé que ha tenido... Ils ont eu et continuent à avoir une répercussion internationale. Après presque 30 ans, ils continuent à sortir des albums et des chansons. Non seulement ils ont un écho idéologique révolutionnaire, mais ça va un groupe de ska, de quartier, qui n'a fait que renouveler et offrir une meilleure musique, de meilleurs concerts. Democracia pestilente, estafa electoral, títeres que vienen y van en un circo caótico. Pasa el tiempo y no te das cuenta de que ha pasado un año, un lustro, una década. Quand on prend goût à quelque chose, le temps passe et on ne se rend pas compte qu'un an, cinq ans ou une décennie se sont écoulés et qu'on a toujours la même illusion, n'est-ce pas? No soy impaciente, pero si me propusiese algo a 10 años, o incluso solamente una mirada de cómo me vería. Ce que je ferai dans 10 ans, je n'y ai jamais pensé. Je ne suis pas impatient, mais si je me fixais quelque chose à 10 ans, ou juste un aperçu de la façon dont je me verrais, je commencerais à avoir l'angoisse de me concentrer uniquement sur l'avenir. Una corriente de un ratito, sin que haya sequía, pero tampoco sin que lloven aguas torrentes. Je préfère vivre au jour le jour et ne pas oublier les événements, mais les laisser passer comme le flux normal d'une rivière, sans sécheresse, mais sans pluie torrentielle. Ce qui est vrai, c'est que dans un an, si tout garde une normalité instable ou une stabilité anormale, j'aimerais développer un projet spécifiquement lié au taekwondo, qui est ma passion, ici au Rojava. Je voudrais compléter une connaissance plus que sommaire pour la défense de la révolution sur le plan militaire et la défendre jusqu'aux dernières conséquences. Et pourtant, pas pour porter un fardeau militaire à long terme, mais plutôt pour accroître mes connaissances, pour les travailler, pour me renouveler. Et si la révolution est menacée, pour être en mesure de répondre. Espérons que nous n'aurons pas à faire appel aux armes pour défendre la révolution, mais que nous pourrons ouvrir de nouveaux fronts pour la rendre plus solide. Je ne suis arrivé que récemment au Rojava, mais j'ai passé un certain temps au Bachour. J'aurais aimé pouvoir m'impliquer dans un projet avec la population civile dès le début. Dès le commencement, pour acquérir une connaissance de la langue kurde, pour améliorer l'arabe que je parlais déjà. Oui, j'aimerais développer un projet sportif avec la population civile. J'ai aussi travaillé à la télévision et j'ai vu les processus de la commune de cinéma ici au Rojava. Je pense à la structure politique du syndicat dans lequel je travaille, la Confédération nationale du travail. Je pourrais servir de lien et aider les nouvelles personnes qui veulent s'engager ou qui veulent venir ici pour pouvoir accueillir des collègues avec lesquels j'ai travaillé jusqu'à il y a 3-4 mois dans le secteur des arts, du spectacle, là-bas à Madrid. Avec une plus grande connaissance de la langue kurde, je pourrais leur être utile, les guider. Je souhaiterais pouvoir les recevoir dans un avenir proche et qu'ils puissent développer un projet pour soutenir la lutte sur la base de la connaissance et de la pratique. Lors de l'invasion de 2014 par l'armée terroriste sioniste, dans la maison où je vivais, dans la famille qui m'a accueilli, dont j'ai aussi un tatouage, et l'endroit où je vivais a fait partie du massacre qu'ils ont perpétré le jour, je me souviens plus du jour. Je sais que c'était le mois de mai, juin 2014. El sobrino de la familia que me dio su casa, que considero mi casa. Le neveu de la famille qui m'a ouvert leur maison et que je considère comme ma maison là-bas, dans la bande de Gaza, est mort. Ils l'ont assassiné. J'ai donc beaucoup de souvenirs avec lui. J'avais 23 ans quand je l'ai rencontré, il en avait 27. Je tenais 23 ans quand je l'ai rencontré, il tenait 17. Quand c'était la 2014, l'agression sioniste, je l'avais revenu à mon lieu d'origine. Lorsque l'agression sioniste a eu lieu en 2014, j'étais déjà retourné dans mon lieu d'origine et cela m'a beaucoup perturbé de penser que non seulement le peuple palestinien subissait une agression fasciste, mais aussi que je n'avais pas pu accompagner une personne que je considère comme un frère. Les moments passés avec lui sont gravés dans mon cœur. Es un movimiento sindical y han conseguido grandes hitos como ha sido la expropiación de tierras. Une lutte inspirante dans mon pays. Le syndicat des travailleurs de la Lusie, c'est un mouvement syndicaliste qui a franchi de grandes étapes comme l'expropriation de terres dans une région aussi riche que l'Andalousie, qui se trouve entre les mains de 4 propriétaires terriens. Et quand je dis 4, je ne parle pas d'un chiffre au hasard, je parle de 4. Cela a causé pendant de nombreuses années, des décennies, tant de pauvreté et tant d'oppression, ne nourrissant pas la terre et ne la donnant pas aux travailleurs. La terre, les travailleurs et les travailleurs. Desde 2012 et 2011, pude conocer a varios personajes que han marcado un antes y un después. Depuis 2011-2012, j'ai pu rencontrer plusieurs personnes qui ont marqué un avant et un après dans la lutte du peuple andalou. Et j'espère que cette lutte des mouvements paysans et ouvriers au niveau de l'État deviendra un antécédent. Une personne en particulier de ce mouvement, Diego Cañamero. Bien sûr, une lutte comme celle du syndicat andalou, je ne pense pas qu'elle puisse être transposable à celle du Rojava. Mais il est vrai aussi qu'une des grandes caractéristiques de la résistance ici au Rojava, où je suis impliqué, est la résistance militaire. Bien sûr, cela crée beaucoup de contradictions, parce que même si j'ai décidé d'apprendre quelque chose que je peux utiliser pour la défense de cette révolution, et que je peux même appliquer lorsque les conditions seront réunies chez moi, dans mon pays d'origine, je me nourris aussi d'expériences qui ne sont pas des résistances armées. De cara a la resistencia de esta revolución y que incluso pueda aplicar cuando se puedan dar las características en mi hogar, en mi lugar de origen. C'est pourquoi je dis qu'il y a beaucoup de contradictions, mais que ce sont de belles contradictions, parce que je ne pense pas qu'elles se concurrencent, mais qu'elles se nourrissent les unes les autres en termes d'amélioration ou de prise d'idées. C'est pourquoi nous sommes ici, venus de différents horizons, mais sur le même front. Contre l'impérialisme, contre le capitalisme, contre l'oppression des femmes et des hommes, pour l'indépendance nationale et celle des valeurs des travailleurs, pour la liberté. Contre l'impérialisme, contre le capitalisme, contre l'oppression de las mujeres y los hombres, pour la indépendance nationale, pour la indépendance de los valores de los trabajadores y las trabajadoras en la libertad. Perfume de oliva, sabor andaluz.